Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. 9e épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Après plusieurs défaites successives, ils se retrouvent devant l'opinion publique à défendre une mauvaise solution de compromis. Ils n'y croient plus, mais ils n'ont pas le choix. Elle est assise depuis des heures derrière son pupitre dans la salle plénière du centre de conférence de Bonn. Elle est fatiguée de compter les crochets et les pages qui s'envolent. Rien de concret dans la négociation. On épure juste la première version du texte pour simplifier le travail au sommet qui se déroulera dans 6 mois. Mais les choses se compliquent. Toutes les options restent ouvertes. Rien ne prend la forme d'un accord. Aucun sujet clivant n'est abordé. On ne parle pas des enjeux. Ils se noient dans la syntaxe et dans la mise en page. 1 heure pour décider si on remplace dans une phrase le verbe « doit » avec « devrait ». Adoucir les propos. Ne froisser personne, n'enflammer aucune suspicion. Les lignes de base de cette soi-disant négociation préliminaire. Son corps cède. Elle sort boire un thé au citron pour casser sa nausée. Dans 3 jours, tout sera réglé. Sa vie se remettra sur les rails. Sans cette grossesse non désirée, sans contribution à défendre, sans l'attention de cette fausse négociation où elle ne retrouve pas sa place. Bonjour. Elle s'approche d'un groupe de négociateurs en sirotant son thé. C'est ta première fois ? Oui. Et vous ? Moi ? Depuis 10 ans, je fais que ça. C'est un peu éprouvant, non ? Non, pas vraiment. Non, avec le temps, on prend l'habitude. C'est assez frustrant de ne rien faire de concret pour l'instant. Faut que tu t'y fasses. Tu connais pas la blague ? La seule chose que négocient les négociateurs climat, c'est le lieu de leur prochaine rencontre. C'est pas mal. Ça peut être pire encore. Moi, la dernière fois, je voulais pas signer. C'est le seul pays du Sud à refuser. J'exigeais qu'ils fixent une répartition différente des efforts en fonction du passé des pollueurs. Et 1 heure avant la conférence de presse, mon premier ministre m'appelle et me demande de changer de ligne. L'Europe l'avait appelé pour lui dire qu'on coupait le prochain financement. Cela voulait dire qu'on ne pouvait pas payer les salaires à la fin du mois. Alors j'ai dû signer. Et j'ai compris. Nous, on est là pour la gestion des affaires courantes des gouvernements qui veulent rester en place. Donne-moi ça sur le changement climatique et je te donnerai ce prêt. Je te faciliterai les relations avec tel autre pays ou je t'appuierai sur telle ou telle question économique ou politique. Mais bon, ça dépend aussi de quel côté tu te retrouves. Tu viens d'où ? Une seconde, mon portable vibre. J'en appelle. Non, mais... Allô ? C'est sérieux ? Elle s'écarte du groupe et commence à parler au téléphone. Mais au bout du fil, il n'y a personne. C'était sa stratégie pour ne pas donner le nom de son pays. Ce n'était pas du tout le bon moment. Elle retourne dans la salle pour continuer à compter les crochets qui tombent et les options qui se rajoutent. L'après-midi, ils ont sur l'agenda la visite d'une exposition thématique. L'art contemporain s'exprime sur le climat. Elle reste figée devant l'installation d'un artiste islandais. Un escalier à l'intérieur d'un énorme cube en plexiglas. L'espace est baigné dans des vapeurs qui changent de consistance dès que l'on monte les marches. L'air est chaud et irrespirable. Les visiteurs entrent un par un. Elle est dehors à regarder ceux qui sont à l'intérieur. Une mère et son fils de 3 ans. La femme regarde son enfant monter l'escalier et elle regarde émue ce paysage. 2 corps perdus dans la métaphore d'un monde pollué, mais perdus ensemble, liés par la force d'un regard. Devant cette image, tout se tait dans son corps. Elle est face à une évidence. Elle est prête. Elle ne pourra plus reculer. Il est un peu perdu dans le grand hall du centre de conférence de Bonn, au milieu de tous les ministres et fonctionnaires venus négocier un accord qui n'existe pas. Il s'accroche à sa coupe de champagne et distribue sans modération ses faux sourires. Un homologue s'approche de lui. Bien joué. Il le regarde un peu surpris. Il ne comprend pas du tout le sens de sa phrase. Ses sourcils s'activent. L'homme saisit le mouvement de son doute. La contribution au fond vert, c'est un coup de maître, bravo. Merci. La presse ne fait que parler de ça. Du coup, vous nous avez volé un peu la vedette. Non, c'est malin. Deux en un, comme on dit. Annonce médiatique pour faire monter la cote de popularité et de légitimité, et en même temps un coup de pouce aux entreprises nationales. Vous avez réussi à transgresser aussi les accords commerciaux internationaux en subventionnant à fond là où on ne peut plus le faire. Et tout ça au nom du changement climatique. Bon, bravo, vraiment. Ça n'était pas pensé comme ça. Ah bon? Quand même. Vous vous foutez bien de leur gueule. Non, en fait, vous ne mobilisez pas des fonds spéciaux pour ce fonds de solidarité à la con, et vous avez bien raison. Il y en a marre de tous ces petits pays qui râlent sans faire d'efforts. Faut qu'ils apprennent à grandir aussi. Ce n'était pas du tout l'intention, je vous assure. Il s'éloigne de son interlocuteur. Il se noie dans la foule. Ses mots tournent dans sa tête à grande vitesse. Il essaie de ne pas se laisser atteindre, mais il n'y a rien à faire. Malgré lui, il devient le porteur de cette pensée immonde qu'il avait toujours combattue dans ses discours à l'université. Maintenant, il le sent plus que jamais. Sa crédibilité est finie. Plus personne ne lui dira bonjour dans le milieu universitaire. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. 9e épisode. Avec Tiphaine Rabot-Fournier, la négociatrice sur le climat, Antoine Sastre et Léo Grange, des négociateurs, Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement, François Hatt, son homologue, et les voix de Vincent Nemeth, Slimane Yefsa, Laurent Claret et Xavier Bazin. Réalisation, Baptiste Guiton.